Ce signal annonce une priorité ponctuelle au prochain carrefour. Ne pas le confondre avec le panneau qui signale et jalonne une route à caractère prioritaire et qui se présente comme ceci. À l'intersection annoncée, et à celle-là seulement, les usagers débouchant des voies adjacentes devront donc me céder le passage. Réponse B et C.